franc-maçon. Dans une ville, un grand chantier est en cours. Une nouvelle maison d'adoration est en train d'être construite. Un après-midi, un passant qui se promène aux abords du chantier y aperçoit quelques ouvriers en train de travailler. Ce qu'ils font l'intéresse, alors il va vers le premier travailleur et lui demande « Excusez-moi, puis-je vous demander ce que vous faites ici ?» L'homme répond, le cœur lourd, « Vous voyez bien ce que je fais ici? Je bâtis un mur. » Un peu plus loin, sur le chantier, il voit un deuxième ouvrier en train de mélanger du ciment avec du sable. Le passant va vers lui et lui demande « Excusez-moi, puis-je vous demander ce que vous faites ici ?» Sans le regarder, l'homme répond « Je gagne de l'argent pour ma famille. » Encore un peu plus loin, sur le chantier, le passant voit un troisième ouvrier. Il est en train de travailler sur une grande fenêtre. Le passant va vers lui et lui demande « Excusez-moi, puis-je vous demander ce que vous faites ici ?» L'homme s'arrête un instant de travailler, regarde le passant et lui dit d'un ton joyeux « Par mon travail, j'exprime des louanges à Dieu. »